Et voilà, vous avez reconnu l'indicatif de l'intempestive et exceptionnellement aujourd'hui, on fait l'émission en direct. Exceptionnellement aujourd'hui, on ne parlera pas d'histoire, mais on parle d'une lutte très concrète et très actuelle, celle des radios libres à l'occasion du passage à la radio numérique terrestre, la RNT. On va tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Si vous n'y compreniez rien jusqu'à maintenant, vous allez tout saisir après cette émission. On est en ligne avec Olive de Radio Canu. Salut Olive. Salut Juliette. Et on est sur le plateau avec Jacques Sonsin. Salut Jacques. Bonjour Juliette. Voilà, bah peut-être Olive, tu peux en tout début d'émission, là, je te laisserai présenter un petit peu Radio Canu pour les gens qui ont eu l'outrecuidance de ne pas écouter l'émission qu'on a faite il y a 2 semaines sur l'histoire de votre radio. Eh bien, Radio Canu est une radio libre de Lyon qui existe depuis 1977 dans les premières émissions pirates. Et je crois pas dire de conneries. Légalement depuis 1985. C'est une radio qui est restée associative et qui est restée dans l'esprit des radios libres du début des années 80. Dans le sens, elle a toujours refusé la publicité et même le concept de salariat est permanent, dans le sens où tout le monde est bénévole, ce qui fait qu'il y a le moins de hiérarchie possible, même s'il y en a un petit peu dans les faits, puisqu'il y a toujours plus des personnes qui s'investissent plus que les autres. Voilà, sinon c'est une radio qui veut donner la parole à ceux qui l'ont pas, qui veut proposer un programme différent que ce qu'on entend généralement sur les ondes. Et c'est la plus rebelle des radios. Ben voilà, donner la parole à ceux qui n'ont pas, c'est vrai qu'on utilise l'expression assez souvent aussi sur FPP. C'est peut-être pour ça qu'on démarre la lutte ensemble sur cette question du numérique. Jacques, je te laisse te présenter également. Bien, Juliette, comme tu le sais, je suis le président de FPP. Non. Et je m'occupe de beaucoup de radios. J'avais créé une radio à Marseille qui s'appelait Radio Galère à l'époque. Je me suis occupé récemment de Radio Gazelle contre sa fermeture par le CSA. Et je m'occupe aussi beaucoup de radios en Afrique. D'ailleurs, là, actuellement, je reviens de Nouakchott où on est en train d'essayer d'organiser la libération des ondes. Puisqu'une nouvelle loi va être adoptée et donc des radios vont pouvoir vivre en Mauritanie. Voilà, donc je m'occupe beaucoup de radio. On dit que je suis un expert radio. Un expert radio, c'est la première fois que j'invite un expert radio, je crois. Donc on va parler aujourd'hui, ce n'est pas sans lien avec la libération des ondes qu'il y a eu en France il y a plus de 25 ans, au début des années 80, puisque là il y a une grosse transition qui se fait en ce moment, c'est qu'on va passer à la radio numérique terrestre, la RNT, qui est l'équivalent pour la radio de la TNT. En ce moment, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, qui est l'autorité de tutelle de toutes les chaînes télévision et radio en France, vient de lancer un appel à candidature, c'est-à-dire que c'est en ce moment que les radios, toutes les radios en France, enfin dans les grandes villes pour l'instant, sont appelées à demander une fréquence sur la bande numérique. Donc on doit se prononcer d'ici au 16 juin. On va un peu décrypter tout ça dans cette émission. Nous actuellement, aussi bien Radio Canu que Fréquence Paris Pluriel que d'autres antennes, on considère qu'on peut pas tellement répondre à cet appel en l'état parce qu'il ne nous donne pas du tout les moyens d'exploiter une fréquence sur le numérique. Peut-être pour commencer, Olive, toi qui es pointue en technique, si tu veux expliquer de manière simple ce que c'est que la radio numérique terrestre. De manière simple, ça va être compliqué. Alors, j'ai perdu ma feuille. Essaie de manière compliquée, comme ça sera simple. Bon, je vais faire de manière compliquée. Donc, en gros, c'est l'État qui décide d'avancer dans ce progrès technique après la radio analogique, la radio numérique, comme ils ont voulu faire avec la télé. La norme qui a été adoptée pour cette nouvelle diffusion RTN numérique, c'est le DMB, donc le Digital Multimedia Broadcasting, qui est un système de diffusion qui a été créé en Corée pour la télé, en fait. Voilà, ce qui est très logique. On va peut-être développer après sur cet aspect complètement aberrant du choix de la norme. En Corée du Nord ou en Corée du Sud ? En Corée du Sud. Ah. Le capitalisme triomphant. Voilà. Voilà, est-ce que tu veux que j'explique comment ça... En fait, on peut peut-être s'y mettre tous les trois, quoi. C'est juste que, concrètement, à chaque fois qu'on parle de la radio numérique terrestre, déjà à des gens de la radio, et puis à des auditeurs qui font pas de radio, on dit, mais c'est quoi la radio numérique, quoi? Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Qu'est-ce qui est numérique? Est-ce que c'est pareil que les web radios et tout? Donc voilà, en gros, on peut dire que non, c'est pas comme de la web radio. C'est simplement un changement du mode de diffusion de la radio, où actuellement, j'aurais du mal à expliquer concrètement. C'est un changement du mode de diffusion et c'est aussi un changement du mode de réception, dans le sens où toutes vos radios, transistors, autoradios, radio-réveil, tout ça ne vont pas capter la radio numérique. Il va falloir acheter des nouveaux petits récepteurs qui sont en cours de fabrication pour capter ces nouvelles ondes. Et ça sera aussi captable avec les nouveaux téléphones portables. Ce qui va relancer l'économie et vider nos portefeuilles. Voilà. Ouais, c'est d'ailleurs... Les 6 postes de radio qu'ont chaque ménage en France aujourd'hui, actuellement. Oui, mais d'ailleurs, c'est marqué noir sur blanc. Si on va sur le site du CSA, au moment où ils comptaient lancer de manière un peu plus concrète la radio numérique terrestre, c'est-à-dire que ça a commencé vraiment à se développer il y a 2 ans, c'est marqué noir sur blanc le nombre de millions que représente le renouvellement de matériel dans tous les foyers en France. Ça va être un des enjeux. Il faut quand même dire qu'il n'y avait pas le feu à la maison, que les différentes normes auraient pu cohabiter pendant très longtemps, mais en même temps que le CSA veut passer au numérique, il prévoit la fin de la FM. C'est-à-dire qu'il met une pression sur, en particulier, le tiers secteur audiovisuel, qui est extrêmement forte. Puisque le tiers secteur audiovisuel, c'est-à-dire c'est toutes les radios qui, comme Fréquence Paris Pluriel, Radio Canu, etc., sont des radios sans but lucratif, vivent pour apporter un plus dans le domaine de la communication aux habitants. Ils sont généralement des médias de proximité qui vivent avec les moyens du bord en général, qui ne sont pas très riches. Et donc, ces radios vont être les première victime de ce passage au numérique. Et le CSA a pris cette décision, prend ces mesures, apparemment sans aucun état d'âme. Et il faut dire que le CSA, tel qu'il est actuellement, est composé de 9 membres qui ont tous été nommés par le parti au pouvoir, c'est-à-dire par l'UMP, ce qui, pour une instance de régulation chargée d'arbitrer, entre autres, le passage des politiques dans les chaînes, etc., est particulièrement étonnant dans un pays qui se dit démocratique. Oui, c'est-à-dire que les 9 sages sont encartés à l'UMP, quoi. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont encartés, comme ils me l'ont fait remarquer une fois, parce que j'avais fait un éditorial dans Fréquence Libre qu'ils m'ont vertement reproché. J'avais d'ailleurs pas dit qu'ils étaient encartés. Ils ont tous été nommés par les dirigeants de l'UMP. Et ça, c'est un problème. Il y a un mec du PS qui a été, ou proche du PS, qui a été nommé, je crois, à un moment, parce que ça devenait un peu caricatural. Non, ils ont nommé Rachid Arab, dont on dit qu'il est proche du PS. J'ai discuté avec Rachid Arab, d'ailleurs. Lui-même s'est toujours défendu d'être proche du PS. Il est proche de rien du tout. Et il est dans le CSA comme tous les autres. Il remet rien en cause. D'ailleurs, on va voir que le CSA n'est pas seulement proche de l'UMP ou de gros partis au pouvoir, il est également très proche des industriels. Puisque la radio numérique terrestre est lancée un peu en catastrophe, on en parle depuis un bout de temps, il y a des consultations publiques, il y a plein de colloques qui sont organisés. Cela étant, la voix des radios associatives non commerciales, puisqu'il y a des radios associatives commerciales, n'est strictement pas entendu, quoi, n'a strictement pas été entendu dans ces différentes consultations publiques, tant et si bien que là, on nous dit en gros, demander une fréquence d'ici au 16 juin et puis commencer à émettre en numérique d'ici au 1er janvier 2009, c'est-à-dire dans 6 mois, tout simplement. Alors qu'on n'a jamais fait de radio numérique, on ne sait pas du tout comment ça se passe concrètement, alors qu'il y a des nouveaux acteurs qui entrent sur le terrain, qui vont, on ne va plus passer par les mêmes diffuseurs qu'auparavant, quoi. Et qui a personne actuellement en capacité d'écouter la radio numérique, puisque les postes numériques sont d'une très grande rareté. Bah, peut-être pour aborder les choses dans l'ordre, puisqu'on va parler, de cette question des industriels, on va parler du problème du financement et du problème de la diffusion. Peut-être pour commencer, Olive, si tu veux développer sur la question du choix de la norme, vidéo, TDMB. Ouais, alors voilà, ce qui va être nouveau grâce à la radio numérique, c'est qu'en plus de l'audio, on va pouvoir avoir de l'image. Alors, ça sera pas de la vidéo, parce que sinon on appellera ça de la télé. Donc ça sera des images, des diaporamas, des informations écrites, et bien sûr des publicités. Et après, si le récepteur est relié à un réseau internet, ça permettra, par exemple, si on entend un disque, d'avoir la pochette, de cliquer sur l'image et de pouvoir l'acheter directement sur internet. Donc c'est un peu la grande nouveauté qui nous présente avec ça, c'est qu'on va pouvoir transmettre d'autres informations que du son. Après, je sais pas, moi je pense qu'on fait de la radio pour faire du son et pas pour transmettre d'autres informations. Donc, on voit pas trop l'intérêt de rajouter un nouveau truc à l'heure où il y a déjà internet, à l'heure où sur chaque téléphone portable on peut déjà avoir la télé, le net, etc. La radio, à mon avis, doit rester de la radio, quoi. Et puis ce nouveau détail technique qui permet d'avoir de l'image va surtout permettre aux radios commerciales d'avoir un nouveau support publicitaire grâce auquel elles vont pouvoir gagner encore un petit peu plus d'argent. Oui, mais d'ailleurs les radios associatives non commerciales, donc elles sont dites de catégorie A, c'est nous quoi, vont ni avoir les moyens techniques ni l'envie particulière d'envoyer des images, parce que d'abord on fait pas de pub, ensuite les radios libres, on se fait avec des gens qui sont les gens qui font la radio libre sont des gens qui sont pas des professionnels volontairement, sont des gens qui sont des gens de la rue, des gens des quartiers populaires, etc. Et puis voilà, on est là pour faire de la radio, pour prendre une parole qu'on n'a pas du tout ailleurs. Et donc cet intérêt en fait d'avoir des images est très très très relatif pour nos radios, quoi. On va probablement pas beaucoup exploiter cette ressource-là de la radio numérique. Et visiblement d'ailleurs, l'insistance pour une norme vidéo, elle avait été faite par une radio commerciale que je ne citerai pas, qui voulait en fait faire plus de débats interactifs, quoi, c'est-à-dire avoir une webcam branchée en permanence dans le studio et que les auditeurs puissent parler également avec les animateurs en direct, etc. Donc ça revient à ce que tu dis, Olive, du fait de faire de la télé, quoi, quasiment. Oui, et puis c'est pas tenir compte aussi, on veut imposer une nouvelle culture de ce média à une population qui écoute la radio dans des conditions très différentes. La radio est un média d'accompagnement, les gens écoutent la radio en mangeant, en prenant leur douche, en conduisant, en faisant quelque chose qui leur permette d'avoir les yeux libres. C'est un son d'accompagnement quand ils peignent leur maison, quand ils... Enfin bon, la radio est très souvent dans ces conditions. C'est rare, les gens qui écoutent la radio sur l'ordinateur, sauf peut-être pour des raisons professionnelles ou des raisons particulières. Donc mettre des images, le type qui écoute la radio dans sa voiture, tu vas lui mettre une pub pour une nouvelle bagnole, il va regarder l'image, il risque d'être obligé de changer de bagnole assez vite. Donc tout ça ne tient pas compte de la manière dont vit la radio, et ne tient pas compte non plus, puisque le tiers secteur, les radios de catégorie A, les radios à but non lucratif n'ont pas été évidemment entendues par le CSA, on impose une nouvelle norme, on veut imposer une nouvelle culture, indépendamment et des auditeurs et de ceux qui font de la radio. Et les plus nombreux à faire de la radio en France, c'est quand même les 600 radios associatives qui se répartissent sur tout le territoire et qui rendent, elles, des services de proximité bien plus importants que les débats nauséabonds de Skyrock ou d'Énergie ou les publicités envahissantes de tous les réseaux commerciaux. D'ailleurs, le fait de rajouter des images, je pense que le fait de choisir une norme vidéo, il doit bien avoir derrière la tête l'idée d'avoir une bonne définition pour les publicités qui seront envoyées à l'auditeur. Et puis, le fait de tchatcher en direct avec les animateurs, etc., ça participe en plein dans au système de starification des animateurs, à la mise en avant de personnalités sur certaines émissions, quoi. Chose à laquelle on ne prend pas du tout part, quoi. L'idée dans les radios associatives, c'est que les animateurs, c'est les mêmes personnes que les auditeurs. Et puis, très souvent, les émissions sont faites de manière collective aussi. Et on n'est pas là dans le culte de la personnalité d'un animateur centralisé, etc., quoi. La starification est une démarche commerciale, évidemment. Mmh. Et un des autres impacts de cette norme, hein, le TDMB, c'est que, une des autres caractéristiques plutôt, c'est que c'est une norme propriétaire. Donc ça, c'est un terme que j'utilise qui est plutôt utilisé dans le milieu Internet, quoi, en informatique. C'est-à-dire que c'est une norme qui est complètement verrouillée. Il y a un industriel qui a posé sa marque dessus. Qui n'est pas compatible avec les autres marques, avec les autres normes plutôt. Et ce qui fait qu'il va y avoir la construction de récepteurs numériques, les nouveaux tuners, qui vont pouvoir recevoir cette norme-là, le TDMB. Par contre, on ne pourra pas recevoir les radios, l'ensemble des radios européennes qui émettent en DAB ou en DRM. Ça aussi, ça va... Ça démultiplie en fait le potentiel de vente des récepteurs numériques, ça aussi. Le système choisi entraîne une raréfaction des radios des opérateurs qui pourront en profiter. C'est-à-dire, au début, ils disaient que la numérisation permettrait à un plus grand nombre de radios, de plus grandes thématiques d'être présentes sur les ondes. Ce mode choisi rétrécit cette réalité. Deuxièmement, c'est une norme française, qui ne sera pas compatible avec le reste de l'Europe. Au moment où on fait l'Europe et au moment où on veut l'ouverture, c'est quand même un tout petit peu bizarre. Et en plus, évidemment, ça crée un public captif qui sera obligé d'acheter le matériel en France parce que il y aura que celui-là qui permettra d'écouter cette norme-là. Donc il y a beaucoup de défauts qui pourraient donner à penser que le système est peut-être pas viable. À moins donc une télé en Corée du Sud, sinon. Là aussi, oui, à moins de vouloir regarder la télé de Corée du Sud, ce qui doit être passionnant. Olive, tu voulais ajouter un truc ? Ouais, je voulais vous contredire un petit peu. Vas-y. Tu as raison. Après, c'est vrai qu'il y a plein de sources d'informations différentes et que même les gens qui sont censés organiser ce passage au numérique sont tous un petit peu dans le flou, donc on a peut-être un peu des informations qui divergent, mais en tout cas, selon ce que on a pu assister à une réunion organisée par le service marketing de TDF, n'est-ce pas, la semaine dernière, ici, Télédiffusion à Lyon. De France, donc ancien brouilleur de radio pirate et maintenant diffuseur de radio libre ou non libre, d'ailleurs. Ancien service public privatisé, devenu et commercial. Et nous ont présenté les prototypes des transistors qui seraient compatibles avec les autres normes en Europe, c'est-à-dire que le transistor, le petit appareil qui permet de réceptionner la radio, réceptionnerait les radios en DAB, en DMB et aussi en FM et en AM. Donc ce qui permettrait, par exemple, si on a ce système, d'aller en Suisse ou en Angleterre et d'écouter les radios numériques. Ouais, d'accord. Et aussi de continuer à faire vivre l'FM. Un temps donné, en tout cas, la FM, c'est aussi une des grandes interrogations de ce passage. C'est est-ce que la FM va être supprimée au bout d'un moment ? Je crois que c'était le but du passage au numérique à un moment, puisque... Ça, au moins, c'est le but du CSA, le but affirmé du CSA. Je crois qu'il a donné 2012 comme limite d'existence à la FM. Après, moi, personnellement, j'y crois pas à la fin de la FM. Des gens du CSA nous ont dit que la FM avait encore au moins 10 ans devant elle, les gens de TDF ont dit au moins 20 ans, et je pense que ce passage au numérique, vu comme il est prévu, va pas non plus avoir un succès fou, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir une situation un petit peu comme en Angleterre, où il y a une part infime de la population, je crois en Angleterre c'est 5 millions de personnes, sur une population qui doit être à peu près équivalente à celle de la France. Donc du coup, ils ne peuvent pas supprimer la FM, parce que sinon ils perdent 75% de leur public, et les deux systèmes vont, à mon avis, être pérennes. Bon, ça reste de la science-fiction, mais à mon avis, on peut avoir l'espoir, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte, de sauver la FM, en quelque sorte. Je crois que c'est une directive européenne, excuse-moi, une directive européenne qui demandait à ce que la FM soit éteinte en Europe en 2012, en arguant de problèmes écologiques, de la diffusion hertzienne, en fait, diffusion analogique hertzienne. Donc je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, c'est vrai que là, vu comme est parti l'appel à candidature, ça ne semble pas du tout réaliste d'imaginer qu'on commencera à émettre en numérique. Déjà en 2009, les radios n'auront pas les moyens de le faire. Et puis, d'ici à ce que l'ensemble des personnes rééquipent toute leur maison et leur voiture avec les nouveaux récepteurs numériques, il va s'écouler un certain temps, quoi. Je crois que c'est au Canada, ils avaient lancé de manière également un petit peu précipitée la radio numérique, de la manière dont ça se passe actuellement ici, quoi. C'est-à-dire en disant, bon, ça y est, il faut y aller à un moment donné, là, on fonce. Et résultat, personne n'a suivi dans le public. Ils ont dû me faire marche arrière 2 ans plus tard parce que tout simplement, personne ne s'était encore équipé. Peut-être avant d'aborder les autres questions qui sont un peu sous-jacentes, notamment la question du financement de tout ça, on s'écoute la complainte du progrès de Boris Vian. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire-godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Ça n'est pas pour vous flatter, mais il est impossible de dépenser plus de subtilité, d'esprit, d'observation et de finesse pour aboutir à une erreur. Une erreur? Ah, ça, je le crains. Une erreur grossière, mais qui n'enlève rien à la beauté du raisonnement. Voilà, il y a une très belle beauté du raisonnement aussi dans tout l'argumentaire du CSA pour nous convaincre de passer à la radio numérique. Cela étant, on est quand même pas mal de radios, dont Radio Canu, donc Olive qui est au téléphone, Jacques Sonsin qui représente plein de radios passées et présentes, et FPP a pensé, ben voilà, a pensé quand même que ça reste une erreur, ce grand passage à la radio numérique. Donc on a abordé juste avant la question de ce que c'était simplement que la radio numérique terrestre, le choix de la norme qui a été fait, etc. Peut-être on peut aborder cette question qui est assez centrale là dans ce problème aujourd'hui le problème du financement, parce que les radios associatives, on leur demande de passer à la radio numérique alors qu'il n'y a aucun financement du tout qui est disponible. Malgré tous les avis d'ailleurs, enfin toutes les promesses du CSA ou du FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, rien du tout n'est prêt, alors que on s'engage vers un investissement matériel, vers une période de formation de tout le monde pour diffuser en numérique, vers une double diffusion, ce que disait Olive juste avant qu'on fasse cette petite pause musicale, c'est-à-dire on va devoir diffuser pendant plusieurs années à la fois sur la FM et sur le numérique, ce qui double tout simplement nos coûts de diffusion. Donc voilà, peut-être Jacques, tu pourrais expliquer, pour qu'on comprenne bien, comment sont actuellement financées les radios associatives non commerciales, notamment par le FSER. Les radios associatives non commerciales sont financées par des subventions, et une subvention importante qui vertèbre un peu le secteur, c'est celle donnée par le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Le Fonds de soutien à l'expression radiophonique est alimenté par un impôt prélevé sur les médias qui bénéficient de la publicité. Cet impôt alimente une caisse qui permet de verser les subventions au fonds de soutien aux radios qui ne font pas de publicité. Alors, moi, je voudrais dire que l'ensemble des médias audiovisuels sont des médias, la plupart par des chaînes payantes, en fait, dans l'ensemble, les médias audiovisuels sont des médias gratuits. Ça veut dire que l'auditeur, le téléspectateur n'est pas obligé de payer, à de rares exceptions près, pour les recevoir, pour pouvoir les regarder. Et tous ces médias vivent sur l'impôt. Et il y a plusieurs formes d'impôts. Les médias commerciaux vivent sur un impôt privé qui s'appelle la publicité. Pourquoi un impôt ? Parce que les gens sont obligés de le payer. De même que quand tu vas faire tes courses, tu paies la TVA, de même tu paies la publicité. À part que la TVA, ça se voit, que la publicité, ça se voit pas. C'est complètement masqué, c'est complètement... et c'est à discrétion des commerçants, des industriels, etc., qui, avec cet impôt prélevé sur le consommateur, financent les médias dont ils ont besoin pour développer leurs produits, pour rentabiliser leur activité, pour gagner de l'argent. Le service public est financé par un autre impôt, qui est la redevance. Ça veut dire que tout le monde est obligé de payer une redevance. Toute personne qui possède une télévision paye cette redevance. Et c'est ce qui alimente le service public, qui n'a pas assez d'argent avec ça. Et donc, qui en plus, fait appel à l'impôt privé, c'est-à-dire à la publicité. Et les radios associatives, qui, elles, ne bénéficient pas de la redevance, alors que normalement, elles devraient, puisqu'elles sont un secteur non commercial, et qui ne vivent que de subventions précaires et révocables, à discrétion des collectivités locales et des institutions et du gouvernement, de la majorité, qui donne ces subventions, qui sont donc faibles, précaires et révocables, c'est-à-dire qu'elles peuvent être données une année et pas l'année suivante, qui maintiennent le secteur associatif, dans des conditions de précarité assez grandes, alors que c'est le secteur qui permet, par exemple, de donner la parole aux premiers, aux nouveaux talents, à ceux qui rentrent dans la chanson et qui veulent se faire connaître. C'est eux qui animent la démocratie de proximité. C'est eux qui font des informations sur la santé, l'éducation, etc. etc. Alors, tout le monde sait les immenses services que rend le secteur associatif. Donc, je voulais rappeler, quand on parle de financement, je voulais rappeler ces éléments pour dire que... parce que très souvent, on dit le secteur commercial, il n'y a pas besoin de l'aider, alors que le secteur associatif, il faut toujours lui donner de l'argent, il faut toujours l'aider. C'est faux. Le secteur commercial, non seulement on l'aide, mais en plus, il ne vous demande pas votre avis. Il prend l'argent dans la poche du consommateur. Le secteur associatif, on l'aide parce qu'il y a des institutions, parce qu'il y a des collectivités locales, etc., qui estiment qu'il rend des services et qu'il faut quand même lui permettre de continuer à vivre. Ça étant, ouais, les subventions de manière générale ont tendance à baisser, enfin tous les financements publics ont tendance à baisser vis-à-vis de tout le secteur associatif. Là, c'est pour tout le coup, ce n'est pas seulement les radios ou les médias associatifs qui sont visés hein, par cette remise en cause du financement public. Et il y a aussi une autre source de financement, c'est les ressources propres, quoi, des radios à travers les adhésions. Par exemple, Radio Canu, vous êtes les émissions cotisent aussi tous les mois pour une heure d'antenne. Ça s'organise comme ça, non? C'est ça, chaque émission paye 14€ par mois, ce qui permet de d'avoir une sorte d'autofinancement. Parce que nous, enfin, j'ai pas exactement comment ça fonctionne à FPP, mais Radio Canu se limite vraiment au fonds de soutien d'expression radiophonique, qui est une subvention assez automatique, en tout cas jusque-là, et refuse catégoriquement de demander des sous à la ville, à la région, au département, de manière à pouvoir continuer de les critiquer joyeusement à l'antenne. FPP, c'est financé effectivement par le fonds de soutien d'expression radiophonique, par l'accès qui est l'ancien facile de quoi qui finance sur la lutte contre enfin qui soutient des projets de lutte contre les discriminations et puis on participe à la bourse d'échange radiophonique de l'EPRA. Vous y participez aussi, Radio Canu? Non, pas du tout. L'EPRA, donc c'est une bourse d'échange où les radios qui travaillent sur les questions d'immigration notamment s'échangent en fait leurs programmes, et elles sont financées en partie pour ça. Et puis, on a également les ressources propres à travers les cotisations des adhérents à la radio, puis à travers l'organisation de concerts de soutien. En fait, oui. Ouais, voilà, qu'on essaye de développer un peu, étant donné qu'on n'est pas tellement aidé pour mener ces actions. Donc là, Jacques, t'évoquais le mode d'approvisionnement du fonds de soutien à expression radiophonique. Là, actuellement, il a été annoncé à grand renfort de communiquer, de déclarations triomphantes qu'il n'y aurait plus de publicité sur le service public, ce qui n'est pas du tout un mal en soi. On est plutôt content que la publicité recule plutôt qu'elle n'avance. Cela étant, ça pose d'une part le problème du financement du service public, ça, c'est un moyen déguisé de le mettre en difficulté, et ça pose indirectement aussi le problème du financement, de l'approvisionnement du fonds de soutien à l'expression radiophonique, dont les ressources vont baisser de 30% si la publicité s'arrête effectivement sur l'audiovisuel public. Et donc on s'oriente plutôt vers une baisse de 30% des subventions des antennes associatives non commerciales, au moment même où on leur demande d'investir dans du matériel numérique et d'assurer une double diffusion. Oui, en ce qui concerne la suppression de la publicité, non seulement c'est bien qu'elle régresse, mais la plupart des partis d'opposition demandaient cette suppression de la publicité. Les syndicats aussi le demandaient, mais à condition évidemment qu'on rééquilibre le fonctionnement financier du service public, d'une part, et d'autre part que ce soit fait dans des conditions viables. Or, apparemment, ça a été décidé pour faire plaisir aux médias commerciaux proches du pouvoir, qui ne cherche absolument pas, qui a annoncé ça sans chercher. Alors depuis, il y a la commission COPE qui s'est mise en place et qui est soi-disant fait de la concertation. On verra ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est plutôt négatif. Et effectivement, en ce qui concerne les radios associatives, pas de concertation avec les radios associatives, pas de proposition de complément pour l'instant au manque à gagner que représenterait la disparition de la publicité. C'est une chute de 30% du fonds de soutien qui est ainsi annoncée. Et donc, c'est vrai que là encore, on est dans un gros problème de financement pour les radios associatives. Et moi, je me posais une question par rapport à ça. Peut-être, Jacques, tu vas pouvoir me répondre. En fait, le fonds de soutien est donc alimenté par une taxe sur la publicité, mais uniquement sur la publicité du service public ou sur Non. Sur l'ensemble des médias audiovisuels qui diffusent de la publicité. Ouais. Radio, télé, commercial, public, qui diffusent la publicité. Ok. Donc, moi, pour encore contredire, je vais faire mon rebelle, c'est ça. Vas-y. C'est ton rôle. Je pense pas que le prix de la taxe, enfin, si le taux de la taxe reste fixé au même taux, le fonds de soutien, enfin, l'alimentation de fonds de soutien va pas baisser, parce que la suppression de la publicité sur le service public va pas faire baisser les recettes publicitaires dans les médias, quoi. Oui, mais elles vont augmenter sur le secteur privé, elles augmentent de jour en jour avec la création de tous les nouveaux médias commerciaux, que ce soit sur la TNT, ou sur différents autres supports. Mais le législateur a mis en place un système très rusé. Il a mis un seuil. C'est-à-dire que TF1, une fois qu'ils arrivent à ce seuil-là, après, ils ne payent jamais plus, même si leur publicité augmente, ils ne payent pas plus. Ce n'est pas un pourcentage, hein, c'est une fourchette, c'est une cloche, hein, qui arrive à un sommet et indépassable. Ah oui, sinon on aurait pu organiser à toutes les radios libres. On monte une chaîne entièrement commerciale qui diffuse de la fausse pub 24 heures sur 24 et qui donc alimenterait à plein le fonds de soutien à l'expression radiophonique qui ne saurait plus quoi faire de cet argent. On deviendrait quasiment riche quoi, dans cette histoire. Non mais c'est vrai par exemple que c'est une demande qui avait été faite depuis longtemps de faire sauter la fourchette, de faire un pourcentage qui est par exemple 1 ou 2% du secteur de la publicité qui reviennent pour le secteur associatif. Qui alimente le fonds de soutien. Mais ça a toujours été refusé. On est resté dans le cadre de ces fourchettes qui arrivent à un maximum. C'est-à-dire que si le service public ne fait plus de publicité, évidemment, le secteur commercial va en faire plus. C'est-à-dire la publicité qui allait au service public va se replier sur les chaînes commerciales. Mais elles ne paieront pas plus. Ce qui explique la disparition de 30% du fonds de soutien. Et d'ailleurs, une des revendications qu'on peut commencer à apporter par rapport à cette question du FSER, c'est de demander un doublement de la base de cette taxe parafiscale, c'est-à-dire que la publicité soit davantage taxée sur tous les médias qui l'utilisent pour qu'elle puisse réellement alimenter l'existence du secteur associatif, quoi. Bien sûr, du secteur à but non lucratif. Oui, à but non lucratif, parce qu'effectivement, il y a pas mal d'antennes parmi l'ensemble des radios associatives qui perdurent. Il y en a beaucoup qui sont devenues commerciales. Elles ont été largement encouragées dans les années 80. Et puis ensuite, elles se sont encouragées toutes seules parce qu'elles voulaient avoir des bons salaires, et etc., etc. Elles en avaient marre de tirer le diable par la queue en permanence. Donc on est assez peu de radios à tenir le pari de zéro publicité. Oui, c'est peu de radios. En fait, les radios associatives font peu de publicité. C'est-à-dire le législateur a fixé 20%. C'est-à-dire les radios n'ont pas le droit de faire plus de 20% de publicité dans leur chiffre d'affaires pour avoir droit au fonds de soutien. Et de fait, les radios dépassent rarement 4-5% de publicité. C'est-à-dire que ce n'est pas leur métier aux radios associatives et elles ne cherchent pas. Et en plus, les puissances financières n'ont pas envie d'investir sur les radios associatives. Elles investissent sur les commerciales qui leur sont proches. Ça les arrange plus. Donc le secteur associatif a très peu de publicité. Si on regarde radio par radio, c'est même celles qui font de la publicité en font peu. Et pour continuer sur cette question du financement, en fait, ce qui est assez hallucinant dans cet appel à candidature, c'est que tout simplement la question du financement des radios associatives non commerciales n'est strictement pas évoquée, quoi. C'est un silence total. On fait comme si ça allait de soi que les radios associatives allaient demander des fréquences et que bon, elles allaient miraculeusement trouver un financement pour le faire. Et bon, c'est pas quelque chose qui est propre aux radios associatives, je pense, quoi. C'est quelque chose qui je suis un petit peu déconcentrée, voilà. C'est pas propre au secteur radio associatif, au secteur des médias, quoi. C'est exactement le même discours qui est tenu cette fois de manière positive et très claire. Sur la sécurité sociale, sur les minima sociaux, sur le fait que y a certaines études supérieures, par exemple l'ancien français, qui serait pas utile parce que pas du tout rentable, parce qu'elles sont pas orientées vers les entreprises. C'est le même discours qui est tenu sur la recherche fondamentale. Par opposition à la recherche appliquée, la recherche fondamentale, c'est celle qui ne cherche pas à développer des prototypes pour des entreprises, mais qui essaye de comprendre un petit peu de manière générale comment les choses se passent. Cette recherche-là, elle n'a pas de résultats concrets, immédiats. C'est un processus de recherche plutôt que l'aboutissement à un résultat qui prime. Et bon, ça au plus haut niveau de l'État, on considère que c'est quelque chose qui n'est pas utile, puisque la seule utilité, l'utilité est jugée simplement par la rentabilité, quoi. Mais ce qui, cette absence de, cette absence totale de discours sur sur les radios associatives non commerciales, ça rejoint tout à fait ce type de, enfin cette manière d'envisager en fait les minima sociaux, etc. Vous voulez rajouter quelque chose sur le financement ou? Oui, simplement pour dire que il y a une espèce quand même de schizophrénie sur la question des radios associatives. Quand on touche aux radios associatives, les gens même proches du pouvoir sur le plan local hurlent en disant qu'elles sont utiles, qu'elles rendent des services importants à la société et qu'il faut leur permettre de vivre même si elles sont pas exactement de leur bord. Mais quand on décide à partir d'en haut, c'est la logique que tu viens de dire qui est à l'œuvre. C'est vrai que c'est une politique un peu de gribouille qui est mise en place. C'est-à-dire, on voit, comme sur la recherche fondamentale, prétendre que la recherche fondamentale est pas utile, est pas fondamentale, est pas très importante, c'est ne pas voir plus loin que le bout de son nez, que le bout de son existence. Tout ce qui a été découvert est parti au début de recherches fondamentales qui ont abouti à quelque chose. Évidemment, il faut que ça continue. Et les pays qui démissionnent, qui reculent là-dessus, seront les pays qui demain perdront leur place dans le monde. Enfin, je pense à la France si elle continue comme elle le fait. Donc c'est vrai que c'est une politique qui parfois peut étonner. La question des radios associatives est de cet ordre-là. Si les radios associatives disparaissent, c'est tout un courant de communication qui s'en va et la société le paiera cher. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut dire, parce que je crois pas que la société dans son ensemble, et donc même la majorité qui gouverne, ait vraiment intérêt à ça. C'est une erreur d'analyse, une profonde erreur d'analyse qu'ils sont en train de faire. La majorité qui gouverne, je ne crois pas qu'on ait les mêmes intérêts par rapport à elle. Hein. Peut-être qu'elle a intérêt, au contraire, à envoyer sur toutes les ondes des programmes commerciaux ou lobotomisants et qu'elles ont en effet pas du tout intérêt à ce que nous, on continue à donner la parole aux quartiers populaires, à tous les gens qui luttent, à tous les gens qui ne sont pas dans des logiques commerciales, aux gens qui ne sont pas connus, etc. etc. On touche là aux contradictions du système. Ce que tu dis est vrai, mais en verrouillant trop la marmite, il risque de faire sauter, de la faire exploser. Les radios associatives sont un des éléments qui donnent de l'air à la société. S'ils ferment cet air, ça risque de leur sauter à la figure. Oui, mais ne soyons pas non plus une sorte de soupape de sécurité du système, quoi. Je pense que c'est pas notre rôle d'être une zone de décompression du système. On est là pour aller, au contraire, titiller. Olive, tu voulais dire un truc ? Non, mais pour aller un petit peu dans votre sens, c'est vrai que les radios, le fait qu'il y ait des radios libres qui existent encore en France permettent aux politiques de dire, vous voyez, ça existe, la démocratie, la liberté d'expression existe encore, et quelque part, on sert aussi, même si c'est pas le rôle qu'on veut se donner, on sert aussi de caution à cette liberté d'expression, cette petite liberté d'expression, quoi. Mmh. Bon, comme ils veulent nous mettre de la pub dans les oreilles, dans les yeux et de la soupe partout, on va écouter « J'aime pas la soupe » des Berruriers Noirs. J'aime pas la soupe, mange la cramelle, elle est bouillante, souffle dessus, y'a pas de sel, non, non plus, ça fait vomir, ça va cramer. Y'a trop de poids, ça rend poli. Y'a pas de crouton, t'as les coudes lisses. Y'a pas de cuillère, y'a tes doigts. Y'a pas d'assiette, laisse ça par terre. Y'a pas de cuillère, y'a tes doigts. Y'a pas d'assiette, laisse ça par terre. Mais y'a pas de sou, y'a les parfaits. Mais y'a pas de sou, y'a sa poussière. J'aime pas la soupe, mange-la quand même. J'aime pas la soupe, mange-la quand même. J'aime pas la soupe, mange-la quand même. Et voilà, ouais, nous on a bien le choléra de la rébellion dans les radios libres. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de ce passage à la radio numérique terrestre avec lequel on n'est pas du tout d'accord. On est en train de vous expliquer ça depuis tout à l'heure avec Olive de Radio Canu, qui est une radio militante lyonnaise, et avec Jacques Sonsin. On a abordé la question du financement précédemment. Peut-être on pourrait revenir sur la question de qu'est-ce que ça va changer concrètement dans le mode de diffusion des radios libres, notamment. Il y a un nouvel acteur qui va intervenir, qui n'existait pas jusqu'à maintenant, qui s'appelle le multiplexeur. Alors, le multiplexeur, c'est quoi ? Bon, actuellement, les radios, elles sont diffusées, elles ont une antenne, donc soit elles s'autodiffusent, ce qui est le cas pour beaucoup de radios en région, radios associatives non commerciales en région, ce qui n'est pas le cas de Radio Canu, je crois, qui est diffusé par TDF. C'est ça, ouais. Ouais. Et soit, comme FPP, elles passent, elles transitent par un prestataire privé, ce qui est quasiment obligatoire sur Paris. Nous, en l'occurrence, notre diffuseur, c'est IDF Media, c'est un petit diffuseur. Dans le passage à la radio numérique, l'autodiffusion est simplement impossible. Et puis, on est obligé, on ne peut plus vraiment choisir son diffuseur. On est obligé de passer par un multiplexeur. Et qui c'est le multiplexeur ? C'est quelqu'un qui va diffuser sur une même fréquence 10 radios différentes. Donc, en fait, concrètement, sur votre poste radio, quand vous allez plus chercher pour tomber sur FPP 106.3 ou pour tomber sur Canu à Lyon 102.2, je crois que c'est ça, vous allez descendre une petite molette et vous allez tomber sur Fréquence Pareil Pluriel ou bien Radio Canu. Et voilà, elles seront diffusées sur une même fréquence. La notion de fréquence disparaît un peu avec la radio numérique. Donc ça oblige les radios en fait à se paxer entre elles, 10 radios différentes qui doivent se mettre d'accord sur un même multiplexeur. Olive, tu avais pas mal d'infos sur cette question-là du multiplex. Ouais, alors c'est un peu aussi là aussi l'inconnu, puisque comme tu l'as dit, soit avant c'était diffusé, soit on avait un sous-traitant qui nous diffusait. Là, entre nous et le sous-traitant qui va diffuser, il va y avoir donc cette nouvelle structure qui sera forcément privée, ou en tout cas ça sera au mieux un GIE, un groupe d'intérêt économique qui est un petit peu le milieu entre l'association et l'entreprise. Donc en gros, chaque radio, que ce soit FPP ou Énergie ou France Inter, va devoir trouver des radios partenaires, donc 8 ou 9, à Lyon ça sera des multiplexes de 9 radios visiblement, donc 8 partenaires avec lesquels ils vont monter soit ensemble un GIE qui lui ensuite va emmener le signal au diffuseur, soit passer par un multiplexeur donc qui sera un sous-traitant. Donc ça sous-entend, TDF ils nous ont présenté ça comme un syndic de copropriété en fait, hein, où c'est 9 ou 10 radios donc, qui s'allient ensemble, qui choisissent la même couverture d'émission, donc, qui choisissent le même endroit où elles veulent les mettre, qui choisissent la même puissance du signal ensemble et qui sont solidaires sur le prix total de la diffusion. C'est-à-dire que s'il y a une radio qui paye plus, les autres doivent qui payent plus. S'il y a une radio qui paye plus, les autres doivent payer pour les autres. Donc ça, c'est assez curieux. C'est la fin de l'indépendance et de l'autonomie des radios là complètement, puisque trouver 8 radios, enfin je sais pas comment ça se passe à Paris, mais en tout cas pour Radio Canu, il est complètement exclu de pouvoir trouver 8 radios avec qui on a envie de s'allier pour créer une structure ou pour travailler ensemble, parce que à Canu il y a des valeurs sur lesquelles on peut pas s'allier avec un commerce, on peut pas s'allier avec une entreprise, donc c'est exclu qu'on s'allie avec une radio commerciale. On ne peut pas s'allier avec Radio France, parce que de toute façon, je pense qu'ils vont faire leur multiplex tout seuls. Et on ne peut pas s'allier avec n'importe quelle autre radio associative. Je sais que sur l'agglomération lyonnaise, ça voudrait dire qu'on est obligé de s'allier avec des radios de curés, quoi, que ce soit RCF ou les radios de confession musulmane. Il n'y a pas une dizaine de radios. Aujourd'hui, une radio ne va plus pouvoir exister toute seule, indépendante, sans se soucier de ce qui se passe à côté d'elle sur la bande FM. Ça rappelle un petit peu les mariages forcés qui avaient eu lieu au début des années 80, à l'époque de la libération des ondes, et au moment où ils ont voulu organiser toutes les radios qui s'étaient créées, où il me semble c'était le CSA de l'époque, qui s'appelait pas le CSA, qui la voulait allier, il semble, Énergie et Radio Libertaire, sur une même fréquence. Donc, nouvelle intermédiaire, donc obligé de passer par une nouvelle entreprise ou de se former, c'est ce que TDF conseille de faire aux radios associatives, de former un GIE, donc une structure plutôt privée entre elles, donc de laisser de côté un petit peu leur statut associatif. Donc nouveaux frais, renoncement à l'association, c'est quand même assez inquiétant. Puis une forme de, je sais pas, une nécessité de professionnalisation sur ces thématiques-là, parce que là, les aspects techniques, enfin bon, ça concerne pas les gens qui s'autodiffusent, doivent déjà avoir les compétences pour gérer leur antenne, quoi, leur antenne au sens propre matériel, quoi, de l'émetteur. Nous à FPP par exemple, c'est des compétences qu'on a mais de manière un petit peu distante, quoi. On peut pas, ben voilà, quoi. Ça oblige à se plonger pour des gens qui sont bénévoles et dont l'intérêt principal c'est, ben voilà, de faire de la radio, quoi, tout simplement, de prendre la parole sur les ondes, etc. À se former sur des choses extrêmement techniques pour se diffuser. Et nous, bon, c'est vrai que sur Paris de la même manière, il y a trois radios qui sont proches de nos idées, quoi. Il y en a pas tellement plus. Et le problème de cette sorte de solidarité par défaut, si jamais il y a une antenne qui peut plus payer, les autres doivent payer, c'est assez périlleux pour des antennes associatives qui déjà survivent tant bien que mal actuellement et dont les frais de diffusion vont devenir du coup totalement aléatoires, quoi. Si jamais il y a une radio qui, pour de très bonnes raisons, hein, n'est plus capable de payer, ça augmente d'un seul coup les frais de diffusion des autres, ce qui est relativement problématique comme nouveau fonctionnement. Et puis on peut facilement imaginer aussi qui vont être les multiplexeurs qui vont proposer des services. On parle déjà de ceux qui sont en pointe sur la téléphonie, donc les trois gros. On parle aussi de tout simplement des radios. On sait que dans les trois diffuseurs qui ont été sélectionnés, il y a donc TDF, VLD et Towercast. Towercast appartient à Énergie. Donc si une radio associative passe par Towercast, c'est une manière pour Énergie de récupérer la taxe, les taxes qu'elles ont payées avec leur publicité qui alimente le fonds de soutien. Donc, c'est une manière de faire revenir l'argent qui finance normalement les radios associatives là où ils ont été pris. C'est-à-dire que c'est de faire revenir les thunes qui sont censées faire vivre les radios associatives aux radios privées. C'est quand même assez hallucinant. Et donc sur les multiplexeurs, on peut facilement imaginer que ça va être ce genre de grosses boîtes qui vont s'enfoncer dans ce nouveau marché. Mais d'ailleurs, c'est une chose dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est le fait que la radio numérique, elle profite de manière flagrante aux industriels et aux grands réseaux de radio. Par les industriels, qui est-ce qu'on entend par là ? On entend essentiellement les multiplexes. Et les réseaux de radio, Jacques, tu pourrais expliquer simplement ce qu'est un réseau de radio ? Au début, quand la FM a existé, il y a un très grand nombre de radios qui sont créées. Il y a eu 1000 radios qui se sont créées tout de suite après l'arrivée de François Mitterrand en 1981. Très rapidement, en autorisant la publicité alors qu'au début elle était interdite, en permettant des regroupements, etc., on est arrivé au phénomène de concentration capitaliste habituel. Et petit à petit, avant 1981, il y avait le service public et trois périphériques. Aujourd'hui, on retrouve les trois mêmes périphériques organisés en réseau, plus un qui est Énergie, c'est-à-dire on a gagné Énergie, plus un qui sont les indépendants, mais qui en réalité pointent à la publicité chez Lagardère, donc qui sont associés au réseau de Lagardère, et les associatives. C'est-à-dire la seule chose innovante dans le paysage par rapport à avant 81, ce sont les radios associatives. Et les réseaux, donc, ce sont des antennes qui émettent en général à partir de Paris sur toute la France. Alors, il y a des réseaux passifs, c'est-à-dire c'est le même programme partout. Il y a des réseaux avec décrochage, c'est-à-dire que dans certains endroits, on fait un décrochage de 10 minutes pour faire un petit programme local. Et puis, il y a des modulations un peu plus ou moins différentes, mais c'est ça le principe, l'idée. Et le but, évidemment, de ces réseaux, c'est de gagner le maximum d'argent. Et dans ce que fait le CSA actuellement, effectivement, comme vous l'avez noté, toutes les décisions qui sont prises, à manière dont elles sont prises, etc., visent à affaiblir et a peut-être même programmé la disparition de, du tiers secteur radiophonique, des radios associatives. Mmh. Oui, comme ça, à la place, on va avoir... Enfin, la radio numérique, un des intérêts, c'est qu'on pourra avoir RTL 12, RTL 13, RTL 14, et puis, je ne sais pas, France Inter Blues, France Inter Jazz, France Inter Politique, France Inter... France Inter en grève. France Inter en grève, exactement. Voilà, on espère, oui. Donc ça leur permet, en fait, enfin ça permet plutôt une sorte de clonage de programmes qui existent déjà, ça favorise ça, plutôt que la création de nouvelles antennes, parce que ça aurait été l'occasion, la radio numérique, de créer tout un tas de nouvelles antennes, de gens qui vont aller expérimenter la radio, etc. Mais en réalité, ce n'est pas du tout vers ça qu'on s'oriente, quoi. Les initiatives associatives, un peu curieuses, qui sont dans la recherche radiophonique, passent totalement à la trappe telle que c'est organisé pour l'instant. Bien sûr. On va devoir rendre l'antenne, peut-être, si vous voulez conclure. Olive, tu as quelque chose à rajouter ? Ouais, moi, je voulais juste rappeler aussi qu'on nous présente la radio numérique, comme vous l'avez dit, comme une solution pour augmenter le nombre de radios. Et sur les premiers appels d'offres, en tout cas sur la région lyonnaise, on se rend compte que les places proposées sont inférieures au nombre de radios existantes. Le deuxième argument qu'on nous sort aussi, c'est le gain en qualité sonore, et ça, on se rend compte que c'est un leurre aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir payer le prix très très fort pour avoir un son équivalent à la FM. Donc voilà, et par idem aussi sur la couverture, c'est-à-dire que il y aura toujours les mêmes zones d'ombre, qu'on habite un petit peu loin des villes, on captera toujours aussi mal les radios. Jacques ? Ben écoute, moi, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne nous empêcheront pas de nous exprimer. Ils vont nous mettre des difficultés. De même que quand il y a eu, par exemple, le débat sur le référendum européen par le biais de l'Internet, on a réussi à s'exprimer. Et c'est une majorité de la population qui s'est saisie de ce canal-là d'information pour pouvoir s'exprimer et se décider. Je crois que quoi qu'ils fassent, on continuera à s'exprimer, à trouver les moyens de se servir des techniques modernes pour pouvoir continuer à remplir les missions que nous voulons remplir. Ça, c'est clair. On va être là pour très, très longtemps. Vous retrouverez cette émission en ligne sur www.intempestif.net. Elle sera également rediffusée lundi à 11h sur FPP. Vous trouvez des infos sur cette lutte sur le site de FPP, www.rfpp.net. Et puis, on vous tiendra au courant de la mobilisation parce qu'elle va continuer. Salut Olive, salut Jacques, restez à l'écoute. Au c'est revoir. 93 SFC. Salut. Listen, listen, listen. Hear us now, hear us now. We ask you, now listen. Et à quoi vous a servi, Monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.